Chapitre 5e. Il est certain que le duc ne s'ennuyait plus et qu'il ne parlait guère de l'inutilité de sa vie. Pour avouer les choses qu'il cachait même à M. de Bléré, il faut dire que son amour-propre était en jeu. Cette grande indifférence de Mademoiselle de Montmeillan, en présence d'un beau cavalier qui avait grande mine et grand air, et avec ses avantages extérieurs, des privilèges de nom, de fortune et de situation, dont un grand nombre de femmes avaient subi l'influence, piquait sa vanité qui n'y était point accoutumée. Monsieur de Carlepont savait qu'il n'était point semblable au commun des hommes qu'on rencontre dans un salon. Il n'avait qu'à fouiller dans les souvenirs de son passé pour avoir la certitude qu'il pouvait prétendre à des succès auxquels il n'était pas facile d'atteindre. Pourquoi donc ce dédain qui n'était pas même affecté? Philiberte appartenait-elle à cette école de savantes coquettes d'autant plus dangereuse qu'elle s'efface pour donner à la proie qu'elle convoite le désir imprudent de les poursuivre? Ou bien avait-elle au fond de l'âme une blessure dont les irritations étouffées ne lui permettaient pas de regarder ce qui s'agitait autour d'elle? Quoi que ce fût, elle avait cet avantage particulier de ne pas ressembler à tout le monde. Elle était comme un oiseau rare, et l'on ne pouvait pas s'empêcher de la regarder encore après l'avoir vue. En outre, un peu d'attention faisait deviner qu'il y avait en elle un être intérieur qu'elle ne montrait pas. Et cela lui donnait une puissance d'attraction dont le duc subissait l'empire. Il était en présence d'une énigme vivante, et comme un savant qui cherche le sens mystérieux d'une inscription aux trois quarts disparue, il voulait en avoir le mot. D'ailleurs, M. de Bléré n'était plus au château. Les brouillards de l'hiver rampaient dans la campagne, les dernières frondaisons des bois disparaissaient chaque jour, diminuées par les assauts de la bise. Un bruit de branches sèches, secouées dans les airs, accompagnait M. de Carlepont, tandis qu'il suivait les profondes et mélancoliques avenues étalées autour de Bray. La terre durcie sonnait sous le pas de son cheval, et cela le disposait aux rêveries. Au retour, les chambres chaudes et tranquilles du rocher lui semblaient toutes remplies d'un silence glacial. Par intervalles, cependant, il voulait s'y renfermer et chercher dans l'étude une arme contre lui-même. Mais l'étude est une amie sévère qui ne prodigue pas ses consolations à qui l'appelle en passant, et l'a trop longtemps négligée. Le livre ouvert tombait des mains fatiguées du solitaire, et le froissement sec des feuilles mortes que le vent poussait contre la vitre lui parlait des forêts prochaines au fond desquelles se cachait un château où, par un fil mystérieux, l'attiraient les grands yeux noirs de Philiberte. Que faisait-elle alors? Suivait-elle dans leur vol lugubre les grandes nuées qui traversaient le ciel et jetaient tant d'ombre sur la plaine? Ou laissait-elle courir ses longues mains blanches sur le clavier sonore qui tout à coup remplissait les galeries de plaintes et de gémissements? La voyait-on à cette même place où si souvent il l'avait surprise, les yeux dans l'espace, la pâleur des marbres sur le front, les doigts entrelacés sur ses genoux et les narines gonflées par quelque orage intérieur, dont elle ne parlait pas. Soudain le duc se levait et frappant avec violence du pied. « Est-ce bête ? » s'écria-t-il. « Moi, Pierre de Carlepont, un rêveur, allons donc !» Il sifflait ses chiens, s'armait d'un fusil et s'enfonçait dans la campagne trempée de pluie, où toute étincelante de givre, quelle que fût la direction choisie, les surpris de la chasse n'y pouvaient rien. Sa course le ramenait invinciblement à Bray. Aimait-il Mademoiselle de Montmeillan? Il ne le savait pas lui-même. Son esprit lui semblait plus troublé que son cœur. Il se posait quelquefois d'étranges questions. Si on était venu lui dire tout à coup que Philiberte avait été enlevée par un de ces accidents qui font croire à la fatalité, qu'aurait-il fait? Qu'aurait-il dit? La question posée, il ne sentait pas au fond de son être les frémissements d'une douleur intarissable. Mais certainement il ne serait pas resté une heure de plus au rocher. C'était donc vraiment Philiberte qui l'y retenait, et pourquoi? Arrivé à ce point délicat de l'interrogatoire mental auquel il se condamnait par intervalles, l'esprit de M. de Carlepont ne voyait plus que ténèbres, hésitations, perplexités. La seule chose qu'il sentait clairement, c'est que jamais trouble plus profond ne l'avait agité. Quand le duc paraissait à Bray, Madame de Montmeillan lui tendait ses deux mains souples et délicates, et semblait tenir en réserve pour ces occasions quelques paradoxes inédits dont elle faisait luire les soleils et partir les fusées à grand bruit. Le duc était pour elle un auditeur encore plus qu'un ami. Il lui semblait qu'elle l'éblouissait, et cela la charmait. Mais rien dans ses paroles ou ses actions qui décela la mère en quête d'un mari pour sa fille. Nul calcul, aucun piège. La baronne avait les qualités de son exagération et de son enthousiasme, c'est-à-dire beaucoup de sincérité et de désintéressement. Le baron, de son côté, accueillait le duc avec un doux sourire et un regard bienveillant, qui n'était jamais exempt de tristesse et de timidité. Il le suivait au salon, y restait quelques instants, gêné, silencieux, puis disparaissait aussitôt qu'un nouveau venu laissait une porte entrouverte. Dans la campagne, il avait moins de réserve. Il marchait auprès de M. de Carlepont d'un pied plus allègre et s'enhardissait jusqu'à causer. Si la conversation se prolongeait, on découvrait qu'il avait un grand fond solide et varié d'instructions, un sens juste et pratique des choses, de la finesse dans les aperçus. Il avait une manière d'embrasser Philiberte qui attendrissait. On y sentait comme l'élan d'une âme qui sollicite pour sa fille les bienfaits d'une protection dont elle ne trouve pas en elle-même les éléments. Le père terrassé en appelait à Dieu. Deux ou trois fois, des pluies d'orage avaient retenu M. de Carlepont à Bray, chose qui n'allait pas avec les recherches prétentieuses ou les ridicules hardiesses du langage. L'hospitalité était dans ces occasions simplement offerte au duc. Il y avait une chambre toujours prête, où on le laissait libre de s'installer. S'il hésitait, dans la crainte d'occasionner quelques dérangements, Madame de Montmaillon prenait une bougie des mains d'un domestique, les conduisait d'un pied leste et gaiement, d'un grand bonsoir, le saluait à la porte. Philiberte, plus sérieuse, lui serra la main cordialement et ne le quittait pas sans un sourire et un signe amical des yeux. Ce mouvement, cette voix, ce sourire, étaient comme des roses qu'on aurait vu s'épanouir tout à coup et répandre leur parfum dans un bouquet de fleurs artificielles. Un matin, après une de ces nuits qu'il passait quelquefois sous le toit de Bray, M. de Carlepont rencontra Mademoiselle de Montmaillon assise à l'écart sur un tertre qu'éclairaient les rayons du soleil levant. Elle regardait à travers les rameaux noirs des chênes le passage des oiseaux, dont l'hiver pousse les nombreuses phalanges dans l'espace. L'expression de son visage ne disait pas qu'elle les vit ou qu'elle s'en occupât. « À quoi pensez-vous ? » lui dit M. de Carlepont subitement. Sans témoigner aucune surprise, Philibert tourna les yeux vers lui. « Je ne pense pas, » répondit-elle. « Alors, à quoi rêvez-vous ? Je ne rêve plus. » Monsieur de Carlepont était accoutumé à ce langage, mais à cette heure matinale, où des clartés fraîches et pures baignaient un horizon limpide et blanc, et dans les dispositions d'esprit où l'avait jeté l'adieu cordial de la veille, ces quelques mots produisirent sur son effet l'esprit d'une note criarde, discordante, s'échappant tout à coup d'une mélodie. « Ma foi, tant pis, » dit-il brusquement. Mademoiselle de Montmaillon se leva. Il faisait une de ces journées claires et tièdes comme le mois de janvier en dispense quelquefois à la froide saison. L'humidité des bois était moite, un vent doux rasait les landes grises, l'alouette, trompée par cette embellie du ciel, chantait. Il sortait une odeur saine et pénétrante de la terre réchauffée. Philiberte prit le bras de M. de Carlepont et l'entraîna vers un sentier désert. « Cela vous surprend que je parle ainsi ? » dit-elle. « Voyons, n'hésitez pas. Répondez-moi franchement. » « Oui, c'est vrai. Cela m'étonnait beaucoup. » « Et si j'en juge par votre accent, peut-être même, ajouterais-je que cela vous attriste un peu et vous irrite même ? Pourquoi m'en défendrais-je ? » On avait fait quelques pas. Un rideau d'arbres interceptait la vue du château. Au loin s'ouvraient, au milieu des troncs noirs des futaies, de longues avenues vertes égayées par une lumière brillante qui rajeunissait la forêt. Quelque chose de doux et de placide qui amollissait les âmes, et disposé aux épanchements, flottait dans l'air caressant et léger. Le jour appartenait à l'hiver, l'heure au printemps. Il y a quelque temps, un soir, vous m'avez vu pâlir et porter à mes lèvres un verre rempli d'eau glacée, reprit Philiberte. On venait de prononcer le nom d'un capitaine de frégate, M. Louis d'Ennecourt. Vos yeux ont paru surpris du trouble, que dis-je, du bouleversement de tous mes traits. Ah, qu'eussiez-vous dit? S'ils avaient pu lire jusqu'au fond de mon cœur. Je tremble encore, et tout mon être frémit au souvenir de ce qu'il a été pour moi, celui dont ma bouche vient pour la première fois, depuis 4 années, de prononcer le nom détesté. J'ai vécu avec sa pensée, je mourrai peut-être avec une image dans le cœur. Mademoiselle de Montmaillon s'arrêta. Sa poitrine s'était soulevée. Quel feu sombre dans ses larges prunelles, quelle palpitation sur sa bouche. Le marbre s'était animé. La vie éclatait sur ce visage tout à l'heure immobile et le pénétrait de flammes. Ébloui, M. de Carlepont regardait Philiberte. La pâleur des cadavres et les rougeurs de la fièvre se disputaient ses joues, son front, ses lèvres. Son émotion tenait du délire. Le plus troublé des deux, cependant, ce n'était pas elle. Si vous me demandez pourquoi je vous fais cet aveu, vous le saurez tout à l'heure, continua Philiberte. Ce n'est pas le besoin de banales confidences qui m'a poussé. Et cependant, j'éprouve à toucher à cette plaie toujours vive un âpre et douloureux plaisir. Ah, je le hais, celui pour qui j'ai tant pleuré. Mais cette souffrance me vient de lui, et c'est toujours lui. Comprenez-vous cela, qu'on aime encore ce qu'on exècre, et qu'on se rapproche avec délice de ce qui a fait du mal? Je vous ai, dès le premier jour, paru étrange, inexplicable, peut-être folle dans mon silence et ma glace éternelle. Que serait-ce donc, si vous entendiez gronder au fond de mes entrailles les gémissements et les imprécations de mes rancunes? Allez, je suis morte aux choses tendres, aux choses saintes. Il m'a aimée, je l'ai adorée avec tout l'enthousiasme de ma jeunesse et de mes rêves, et il m'a délaissée. Voilà d'où vient la peine qui m'a faite ce que je suis. Commencez-vous à comprendre à présent? Oui, répondit M. de Carlepont, et je vous plains. Vous demandais-je votre pitié? S'écria Philiberte qui se redressa. Me croyez-vous assez peu forte pour ne pas savoir porter ma souffrance sans fléchir? Ou fais-je l'effet d'une pauvre fille qui gémit et se lamente? Avez-vous surpris mes plaintes et mes sanglots? La blessure saigne, il est vrai, mais qui la voit? Qui la devine? Je laisse à ma mère, qui a le don de l'éternelle jeunesse, le soulagement des paroles inutiles. Moi, je me tais. Ce qu'elle a rêvé, je l'ai senti. Ce qu'elle a chanté comme le but et la source de toute vie, sans que son cœur ait jamais battu, je l'ai prouvé, dans toute la violence de mes 20 ans, et je me tais. Le bruit des conversations et le tourbillon des songes lui ont suffi. Mais je suis d'une autre race, peut-être, en étant du même sang. Et mon âme s'était lancée au-delà, toute brûlante, d'une ardeur inassouvie et consumée, de je ne sais quel impérieux besoin d'aimer et d'être aimé. Je suis revenue brisée et mourante du voyage. À présent, je n'espère plus. Le cœur est en cendres. Alors, tout d'une haleine, et avec des accents qui faisaient tressaillir M. de Carlepont, Mademoiselle de Montmaillon lui raconta comment et à quelle époque elle avait rencontré M. Louis d'Hennecourt. C'était à Paris, dans une maison que sa mère fréquentait assidûment, et où l'on recevait nombreuses compagnies. Le capitaine avait de l'esprit, une grande distinction, les manières aisées et un don singulier de donner du prix aux moindres choses, du relief aux moindres mots. Cependant, il eût pu se faire que Philiberte n'y eût pas pris garde, si M. d'Hennecourt n'était devenu l'astre de ce salon, où Mme de Montmaillon ramenait tous les jours sa fille. La baronne, sans en avoir conscience peut-être, mais certainement avec une imprudence rare, parlait sans cesse du jeune marin, et dans les termes les plus élogieux. C'était un homme incomparable, un phénix. Lancée sur cette voie, elle ne ménageait plus ses expressions. Madame de Montmaillon vivait dans l'enthousiasme et la fièvre comme les salamandres de la fable dans le feu. L'incendie ne gagnait jamais le cœur. Malheureusement, la baronne n'était pas seule dans le salon où l'on rencontrait le capitaine de frégate. En même temps que Philiberte émue et comme pénétrée de ce flot de louanges, regardait M. d'Hennecourt. Celui-ci s'apercevait qu'il y avait près de lui une jeune fille dans tout l'éclat charmant de la jeunesse en sa fleur, et qu'elle était troublée, inquiète, rougissante, agitée, et par cela même douée d'une beauté et d'une vie plus chargée de séduction. Il se pencha vers elle aussi promptement qu'elle s'inclina vers lui, et comme un oiseau prend son essor vers le ciel, d'un seul élan le cœur de Philiberte se donna à M. de Hennecourt. Une saison les réunit dans le même château. Un magnifique été répandait partout les profusions éblouissantes de la lumière et de ses splendeurs. Une vie exubérante circulait partout. Près de lui, au milieu de ces paysages, tout baignait d'une clarté qui semblait dérobée à des latitudes lointaines. Philiberte ne sentait plus le mouvement des jours. Il passait plus brillant et plus léger que ces nuages roses qu'un souffle tiède promène sur des horizons dorés et qui disparaissent dans la pompe du soleil couchant. Elle n'attendait rien. Elle ne désirait rien, elle aimait. Cela remplissait tout son être, cela suffisait à son ravissement. Elle avait peur du sommeil qui lui dérobait le souvenir et comme le sentiment de son bonheur. Un signe, et elle eût été décidée à suivre au bout du monde celui qu'elle aimait. Comment cela put-il se faire que Madame de Montmeillon ne vit rien, ne devina rien de ce qui se passait sous ses yeux? Une seule chose peut l'expliquer. La baronne vivait en elle, et rien qu'en elle, non par égoïsme, mais par abstraction. On pouvait dire qu'elle était en quelque sorte absente du monde extérieur. Les amis qu'elle voyait le plus fréquemment, ceux qu'elle appelait ses intimes et qui l'étaient, lui restaient moralement et physiologiquement étrangers. Cette disposition d'esprit qui ne lui permettait pas d'entrer dans les caractères et de les comprendre, elle l'étendait à tout son entourage. Madame de Montmeillon adorait sa fille, l'embrassait, lui parlait, et c'était tout. Personne ne la connaissait moins. Madame de Montmeillon soit, s'écria Monsieur de Carlepont en interrompant Philiberte, mais Monsieur de Montmeillon, mon père n'était malheureusement pas près de moi à cette époque. Il s'était éloigné pour combattre de plus près l'orage où les plus clairs de nos ressources devaient périr. Autour de mon inexpérience, aucune protection que moi-même, et vous savez à présent quelle éducation j'avais reçue. L'automne arrivait. Un mariage pouvait marquer le dernier chapitre de ce triste roman qui avait eu comme une églogue antique les prés, les bois, les ruisseaux pour témoins. Mais deux choses vinrent qui réduisirent en poussière le bonheur dont un instant je m'étais enivré. Arrivée à ce point de son récit, Mademoiselle de Montmeillon s'arrêta quelques minutes. Pas une larme ne monta à ses yeux, mais ce ne fut pas sans effort qu'elle parvint à continuer. Une étrangère se montra dans le château où Philiberte ne voyait que M. de Hennecourt. Elle avait tous les charmes d'une grande position, d'un esprit altier, d'une beauté bizarre, qui faisait qu'on ne l'oubliait pas aussitôt qu'on l'avait vue. Devina-t-elle l'amour que le capitaine de frégate inspirait à Mademoiselle de Montmeillon? Ou fut-elle entraînée elle-même par ce don singulier que possédait M. de Hennecourt? Ces deux suppositions peuvent également être légitimes. La princesse Obolenska combattait avec des armes mises à l'épreuve dans des capitales. Elle avait de plus les avantages d'une audace qui ne tremblait devant aucune témérité et d'une indépendance d'esprit qui les autorisait toutes. Presque au même instant éclata la nouvelle que la fortune de M. de Montmeillon était compromise dans une de ces catastrophes que les hardiesses et les luttes de l'industrie multiplient trop souvent. La baronne supporta le coup en personne qui n'en mesure pas l'étendue. Elle lança même quelques phrases toutes faites sur le mépris des richesses, mais ne songea pas à réformer son train de vie. 8 jours après, un ordre du ministre rappelait subitement M. de Hennecourt à Paris, où la princesse allait se rendre, et vers la fin du mois, Philiberte apprenait par la voix des journaux que le capitaine était envoyé en station devant Naples. Elle savait déjà que la princesse Obolenska devait passer l'hiver en Italie. Ce jour-là, continua Philiberte, le jour de la nouvelle horrible, je restais comme anéanti. Ces quelques lignes qui me perçaient le cœur avaient été lues à haute voix devant 15 personnes dans ce même salon où je l'avais rencontrée. Ma mère sourit. Ah, l'Italie, dit-elle, la patrie du Tasse et de Pétrarque, la terre de l'amour. Et elle soupira. Encore un mot et j'éclatai, et je criai à cette mère imprudente. Mais regarde-moi donc, je meurs de ce qui n'est pour toi qu'un badinage. Tout le sang de mon cœur s'en va par cette blessure que tu n'as pas vue. » Une distraction nouvelle s'empara de son esprit, et je sortis sans savoir ce que je faisais. Combien de temps les oiseaux des champs me virent-ils errer dans tous les sentiers, poussés par une voix moqueuse qui me criait « Il ne t'a jamais aimé, il ne t'aimera jamais !» Quand, lasse de marcher, je tombais sur un banc, j'étais comme morte. Il me semblait que j'avais une cuirasse de plomb autour du cœur. Rien ne l'a plus ôté. Dieu m'est témoin qu'à cette heure même, où je sentais que toute espérance se retire de moi, j'éprouvais je ne sais quel désir secret de savoir M. de Hennecourt traître et parjure seulement. La pensée qu'il avait en m'abandonnant cédait à quelques sentiments vil et bas m'eût indigné. C'était assez du rapprochement fatal de notre ruine et de son départ. Je ne lui écrivis pas. Pourquoi me plaindre? Mais la confiance, la jeunesse, l'illusion, l'espoir, les meilleurs dons de la vie, partir par cette blessure dont je ne voulais pas guérir. Lui non plus n'essaya pas de se rappeler à mon souvenir. Mon père revint du cruel voyage qu'il avait entrepris pour sauver quelques débris de nos biens dispersés. Quand il nous parla timidement de la nécessité de nous ensevelir à Bray, que m'importait? Philibert passa un mouchoir sur ses lèvres arides, regarda au loin un vol d'oiseaux sauvages qui traçait un angle dans le ciel, et poursuivit en ces termes. Aucune solitude ne me semblait plus déserte que Paris, maintenant que je ne devais pas l'y revoir. Madame de Montbéliard accepta le sacrifice sans trop de résistance. Elle y vit même un sujet nouveau de déclamation et nous partîmes. Mais ne croyez pas que cette épreuve que j'ai faite des trahisons de la vie m'ait guéri de l'amour, non. Je n'espère plus, et j'y crois toujours. Vous me regardez tout surpris. Eh bien, cela est. Oh, je ne veux rien vous cacher de ce que je suis. Après les ivresses d'une saison qui a passé comme une aurore, quelles choses peuvent combler le vide immense que sa fuite a creusé en moi? Rien ne remplacera plus ce qu'elle m'a donné de vie et de chaleur. Mais comme on voit dans le lit d'un torrent desséché par tous les feux de l'été, les sables, les mousses arides, les mille débris informes, les branches mortes qui disparaissent dans le bouillonnement de ses eaux, ainsi, l'amour effacé, il ne reste plus dans mon cœur éteint qu'amertume, désenchantement, indifférence et dédain. Adieu la vie, adieu le passé, je suis quelque chose qui a été et qui n'est plus. Tandis que ce flot de paroles tombait des lèvres de Mademoiselle de Montmeillan, M. de Carlepont ne la quittait pas des yeux. Philiberte parlait comme si elle eût été seule, racontant son martyre au vent, aux arbres, à l'espace. Malgré l'exagération et l'emphase d'un langage qui n'étonnait plus son interlocuteur, un sentiment vif et profond animait le visage de Mademoiselle de Montmeillan. Le geste était en harmonie avec la voix. On la sentait inspirée par un souffle de vérité. Quelle déchirure dans le cœur, si tel était le bouleversement du visage. Et vous avez 25 ans. Dit tout à coup M. de Carlepont d'une voix attendrie. Croyez-vous que l'âge se mesure aux années? Voyez-vous cet arbre noir tout chargé de tristes rameaux que les neiges ont flétris? Vienne le souffle du printemps, et la sève engourdie se glissera sous l'écorce, et des frondaisons nouvelles répandront leurs murmures et leur fraîcheur dans le ciel. Philiberte appuya sa main fortement sur le bras de M. de Carlepont et le regarda en face. J'avais promis de vous dire pourquoi je vous parlais comme je l'ai fait tout à l'heure, reprit-elle. L'heure est venue, ce me semble, de m'acquitter. Je n'ai plus la candeur des premiers jours. C'est vous dire assez que j'ai compris pourquoi on vous a vu au château de Bray, après que vous m'aviez rencontré autour du campement des Bohémiens. Si c'était le hasard ou simplement un devoir de politesse, vous n'y seriez pas revenu après une première visite, est-ce clair? Monsieur de Carlepont, qui chassait les feuilles sèches avec une canne légère qu'il avait à la main, ne répondit pas. J'ajouterai, si je ne craignais de me servir d'un mot ridicule, continua Philiberte, que vous me faites la cour. Pardonnez-moi de ne pas trouver une expression qui rende mieux ma pensée. Il me semble que vous valez mieux que cela. Je vous ai quelquefois écouté lorsque, par aventure, la conversation prend chez nous un tour plus élevé. Et bien sûr qu'il y avait en vous autre chose qu'un chasseur et un millionnaire. J'ai puisé dans l'estime que vous m'inspirez le courage de vous faire ma confession. Donc, cherchez fortune ailleurs, ou pour votre cœur, ou pour votre caprice. Le roman de ma jeunesse est fini, et je ne le recommencerai pas. Vous avez raison, répondit simplement le duc. Si Mademoiselle de Montmeillan avait été moins sincère dans son aveu, cette franchise eût excité tout au moins un mouvement de surprise. Ni le dépit ni l'étonnement ne parurent sur son visage, mais au contraire, elle regarda le duc d'un air de contentement. « Merci, » reprit-elle d'une voix tranquille. Sans se hâter et parier des amis qui reviennent sur un passé qui leur est commun, ils continuèrent la conversation commencée. Monsieur de Carlepont trouvait un charme singulier à pénétrer dans cette âme qui ne devait jamais lui appartenir, et Philiberte ne faisait point de difficulté de lui en ouvrir les replis les plus secrets. Sa pensée, sa vie tout entière, eût-elle pu dire, tournait autour d'un souvenir. L'idole tombée de l'autel, elle en adorait les débris. Le temple n'avait plus de dieu, mais elle était faite ainsi que, sevrée d'amour, elle ne voyait rien devant elle qui valût un effort ou méritât la peine d'un désir. Elle se sentait inutile à elle-même. « Je ne me hasarde pas une heure hors du château, » poursuivit-elle, que je ne sois envahi par quelque chose que domine le souvenir de celui qui est loin de moi. Monsieur de Hennecourt n'a jamais posé les pieds dans ce bois où nous marchons, mais il n'est pas un moment de la journée où la couleur du ciel, un nuage suspendu dans l'azur, le départ furtif d'un oiseau, une teinte particulière de l'horizon, ou verte, ou rose, ou laiteuse, avec des tons gris et doux, le passage d'un troupeau qui se perd dans un sentier, que sais-je encore, la chanson d'un bouvier, un accident de terrain, un pan de mousse, le jeu de l'ombre et de la lumière sous le tronc blanc d'un bouleau, le chant d'un coq qui bat de l'aile sur un vieux mur, un rameau qui s'incline en travers du chemin, certains sons, certaines odeurs, un bruit de cloche vibrant tout à coup dans l'air vif et sonore du matin. Mille hasards, enfin, ne me rappellent un jour, une heure, un instant de notre passé. Et cela avec une telle certitude d'impression que je n'ai pas besoin de fermer les yeux pour voir clairement devant moi le paysage auquel se rapporte ce souvenir impérieux. Il est là, tout entier, avec le ciel et le brin d'herbe. La réalité s'efface. Le rêve seul subsiste et s'impose à ma pensée. Monsieur de Carlepont sourit. « Eh bien, que vous disais-je tout à l'heure » s'écria-t-il. « Ah !» reprit Philibert, avec un mouvement de véhémence sauvage. « Je ne souhaiterais pas à ma plus implacable ennemie ces rêves effrénés d'où l'espérance est chassée. J'en reviens plus semblable aux morts qu'aux vivants. » Le duc était certainement sincère lorsqu'il faisait à Mademoiselle de Montmeillon cette réponse qui contenait implicitement une promesse de changer d'attitude ou de s'éloigner. Ils venaient en ce moment de sortir des bois si longtemps parcourus. Devant eux s'étendait une lande d'un aspect calme et doux, où les rayons obliques du soleil faisaient luire çà et là de petites flaques d'eau. Ils s'y engagèrent lentement. Un léger brouillard rampait sur le sol, poussé par un souffle de vent bas et humide. Derrière, un rideau d'arbres pris en écharpe par la lumière, et à l'autre bout de la lande, on distinguait les toits aigus de Bray. Comme ils s'avançaient lentement, enveloppés de distance en distance par les voiles flottantes de la brume, ils aperçurent un troupeau de brebis noires, dispersées au milieu des touffes de genêts et d'ajoncs, et broutant l'herbe rare. Quelques-uns de ces animaux s'enfuirent à leur approche, d'autres les regardaient d'un air timide et farouche. Un bruit de clochette tintait au milieu des bruyères et de place en place. Ces sons légers qui naissaient et mouraient, emportés par le vent, augmentaient la mélancolie répandue autour de ces lieux sauvages. Philibert ralentit son pas et promena ses regards au loin dans la plaine, dont le brouillard dérobait confusément les perspectives. Elle frissonna, et de larmes descendirent lentement sur ses joues. Monsieur de Carlepont déroula un tartan qu'il avait sur l'épaule et l'en enveloppa. On nous dit un frère prenant soin d'une sœur plus jeune. Elle le remercia du regard doucement. Puis, comme répondant tout haut à une interpellation silencieuse de sa pensée, « Si j'avais été mieux défendu, peut-être cela n'eût-il pas été » dit-elle. « Qui sait ?» répondit Pierre. Aucun mot ne fut plus échangé entre eux. Tandis que leurs pieds foulaient les tiges de bruyère, M. de Carlepont pensait à quitter le rocher. Il ne savait pas encore où il irait. Un aboiement les tira de leur silence. La lande et le rideau d'arbre étaient franchis. M. de Carlepont prit la main de Philibert et la porta à ses lèvres comme pour lui dire adieu. Pourquoi le contact de cette peau fine et froide fit-il tout à coup passer un frisson dans ses veines? Leurs yeux se rencontrèrent. Qu'ils étaient noirs et chargés de tristesse, ceux de Philibert. M. de Carlepont voulut parler. La voix expira dans sa gorge, et quand il s'éloigna, il savait bien que le lendemain le reverrait au château de Bray.